nuit est là, mon bel amour, douce et très pure. Je vis depuis le point du jour une torture. Ton bras se lève doucement contre ma peau. Les larmes coulent lentement de mes yeux clos. Mon corps souffrant, hélas, se brise loin de tes yeux. Je pense à toi, gentille Lise, je suis heureux. Thank you.